spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, 11 août 1900. attends un peu. 11 août 1900. Wouh! 2017. Monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Comme... Merci, mon Raymond. Comme on dit dans mon village... Je reste dans un village. C'est moins cher. Moins cher, c'est plus tranquille. Il y a moins de voitures. Il y a plus de colons, mais en ville, on les compte plus facilement. On est mieux. C'est l'air pur, puis ça s'achète pas, l'air pur. Quoique, moi, mon petit chalet m'a coûté la peau des fesses. Ça fait que, comme on dit, moi, dans mon village... Dans mon village, ah! Ça, tout le monde veut vivre dans ce village-là. Tellement que y a beaucoup d'artistes. Savez-vous ce qui attire l'artiste? C'est intéressant ce que je vais vous dire là. Si vous voulez vous retrouver un jour devant une vedette, devant un comédien, devant un chanteur, chanteuse, comédien, comédienne, artiste, faut juste visualiser s'il y a un courant d'eau. L'artiste adore le courant d'eau. C'est inspirant, le courant d'eau. C'est mieux que les voitures qui passent. Tu vois les vagues. Tu vois même pas les vagues. Les poissons. À l'heure du repas. À quelle heure bouffe un poisson? Bouffe. Ça bouffe pas, comme disait Jean-Pierre Coff. On bouffe pas, on mange. À quelle heure mange un poisson? Ça dépend. Ça dépend de la grosseur. Ça dépend de la sorte. On va prendre un mimosa d'Afrique. C'est pas une plante. Moi, je suis un professionnel dans les poissons. Je fais de la patapouf, oui, parce que quand tu retires après ça dans l'eau, ça fait patapouf. Mais, ben voyons donc, je connais de la poissonne. Moi, mon côté poissonneux est passablement, si on dirait la publicité, passablement. ça va bien? Ouais, fait que là, il faut que tu regardes s'il y a un courant d'eau. Puis, proche du courant d'eau, ce qui va avec, c'est un courant d'air. Marcher le long d'un fleuve, là, wow! Si c'est venteux en ville, fais attention à ta perruque, elle risque de s'évanouir. T'as-tu déjà vu ça, toi, une perruque qui s'évanouit? Oh, elle quitte la surface crânienne pour aller rejoindre les soucoupes volantes. Parce que là, tu la vois partir vers le haut, parce que le vent la fait monter, hein, la perruque, et tu ne la revois plus parce qu'elle passe à travers les nuages. En passant à travers les nuages, c'est là que ça se termine. Imagine le monsieur ou la madame, monsieur, madame, qui se procure ce genre d'accessoires esthétique pour mieux paraître. Il paye le gros prix, lui, là, là, ou elle, là, là. C'est pas donné, ça. Ça dépend quelle sorte de... C'est encore... C'est comme le reste. Ça, la qualité que tu veux avoir. Fais-toi-en pas. Ça, c'est pas juste là-dedans. Là. C'est dans toutes les choses. Si tu payes cher, tu en as pour ton argent, souvent. C'est pas toujours le cas, là. Quand tu payes pas cher, c'est bien rare que c'est durable ou que ça fait le travail exigé à long terme. On est très déçus. C'est pas parce que ça vient d'Hong Kong ou que ça vient de d'Orient, Moyen-Orient, ça a rien à voir là-dedans. L'important, c'est de savoir ce que l'on veut, le prix qu'on veut payer, et ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir. Fait que là, la perruque, imagine-toi donc, ça part dans le ciel. Les nuages la gobent. Oh. Fait qu'il y a quelqu'un en haut qui passe. Normalement, c'est des secoupes volantes. Beaucoup de secoupes volantes, là. Ça dépend. Ça, arrête de dire ça dépend. C'est... Non, excusez-moi, j'ai un mal très sec. Mais en campagne, c'est plein de secoupes volantes. Ils veulent aussi la tranquillité pour observer, pour regarder ce qui se passe, pour analyser, pour amener ça là-bas. Dans leur pays stratosphérien. Parce qu'il existe des pays stratosphériens. Vous n'avez jamais entendu tout ça, hein? Pour ça que vous écoutez Rance Canadienne, pour être de plus en plus intelligent, mais dans une forme d'intelligence qu'on ne dévoile pas toujours, où on devrait faire attention à qui l'on le dit. À qui l'on le dit. L'on le dit. L'on. L'on le... Ah, c'est long. Quand tu le dis ou l'on le dit, là, plus tu l'on le dit, plus tu l'envoies loin. On sait bien que les non-dits, ça parle tout seul. Un silence vaut mille mots. Mais non, c'est pas le silence. Moi, là, j'ai déjà appris c'est que certains dictons. Non, c'est pas le silence est d'or. Et l'or fait réveiller les avares. Oh! Là, je vais juste vous dire que le courant d'eau, perruque parti sur le capot d'un... sur le toit d'un ovni. Et là, si tu as la chance de le retrouver, faut que l'ovni atterrisse. Si tu restes en ville, il n'atterrira pas. Parce que l'extraterrestre n'aime pas la ville. Il préfère la tranquillité, comme je vous disais. D'un, pour atterrir, il y a de la verdure en masse. Hein? Il y en a. La verdure à volonté, oui. En campagne. Si ta campagne, là, il y a un chalet aux 6 pieds. Oh, mais là, c'est plus des pieds, c'est quoi? C'est des mètres. En tout cas, aux quelques mètres, là. Ben, ça devient presque une ville campagnarde. La semi-campagne. Ou comme le dit Brigitte Fontaine, demi. Comment elle appelle ça? Demi. C'est 250$. Non, pas ce demi-là. Demi. Voyons, quelqu'un qui. Un vagabond, demi-vagabond. J'ai un blanc. Mais en tous les cas, demi-campagne. Hey, en plus, je l'écoute continuellement depuis quelque temps. Je me remets au goût du jour à Brigitte Fontaine. J'ai presque l'œuvre complète. Il me manque que 2-3 albums. Demi à demi. Ah! Comme on dit dans mon village! Merci, il y a de l'écho, c'est normal, c'est pour ça que j'aime ça vivre là. On va en enlever un peu, là. En enlever un petit peu. En enlevant. Ok, comme ça ici. Voilà. Ça fait que. Faites-vous-en pas. On lâche le morceau, là, c'est le temps. Comme on dit dans mon village! Le coq est lâché! J'ai dit, le coq est lâché. Gardez vos poules! Avez-vous entendu la fin? Ça, c'est. Ça vient pas de. Non, c'est. Non, je ne suis qu'un interprète, bien sûr, très talentueux. C'est Le Dîner de Con, 1998. qui a réalisé... Non, qui a réalisé... Voyons, on est... Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville... Hé, le paquet de nerfs, là! Un paquet de nerfs à Paquetville... On voit pas ça souvent, puis on les rappelle rapidement à l'ordre. Sinon, il leur arrive des choses que l'on ne peut nommer, mais ils disparaissent du circuit visuel assez rapidement. Alors, non. Nous, là, à Paquetville, là, si on a décidé d'habiter là, c'est pour entendre la mélodie de l'accent du coin, de la région, et aussi... S'en aller des paquets de nerfs comme lui. Qui a réalisé Dîner de con? Francis Weber. Bien sûr. Où habite Francis Weber? Aux États-Unis. Bien sûr, c'est vrai, aux États-Unis. Il vient faire sa tournée en France lorsqu'il fait des films pour faire la promo. Mais normalement, c'est ça. C'est ça qui est ça dans le monde des ça. Connaissez-vous ça, le monde des ça? Je trouve que les médias ont peut-être laissé aller ce monde-là pour s'attarder à d'autres choses. Puis il doit y avoir dans le monde des ça une stratégie qui amène le mutisme. Je m'explique. Là, vous allez dire, ouais, tu parles d'une émission ce soir, là. Qu'est-ce qui se passe, mon... Non. Je veux pas non plus vous dire que c'est un complot planétaire, mais on n'est pas loin du complot planétaire. Puis même, plus loin que la planète, plus que la... Allez, englober. Restez pas restrictifs. Il n'y a pas juste la planète. Il y a l'univers. C'est un complot universel. Dans le monde des ça, c'est ça. Ils sont partout, les ça. Puis ce qui attire le ça et ce qui différencie le ça de tout, c'est la cédille. La petite garnotte en bas du C, là. La petite goutte au nez, là. C'est ça, c'est... C'est pour ça qu'on dit ça, sinon on dirait « quand ». Mais ce qui nous ce qui nous retient de dire « quand », c'est le petit pustule, là. Exactement. On dirait du pu, là. Ça dégouline, mais ça veut pas tomber. Sur le bord du nez, une guédille qui se balance. Puis tout le monde s'en balance. Personne fait d'enquête. On n'a jamais... Moi, dans écoutez, les revues scientifiques, j'ai jamais entendu un savant se pencher sur la cédille. C'est un complot universel, la cédille. La cédille, cédille. C'est nil? Ouais, je travaille fort, voilà. Oh oui. Puis je me vois partir tranquillement. Je me vois, puis en même temps, je me vois pas. Je veux pas me voir. Mais je peux pas faire autrement que de me voir quand je me vois pas. Quand même compliqué, là, hein? On n'est pas dans des petites divulgations, des thématiques élémentaires, là. On est dans une recherche approfondie du complot universel. Je blasphème, mais non, je blasphème pas, Madame Cachet. C'est comme si je dois m'oxygéner. Bien, allez coucher vos enfants, voyons donc, il est minuit. Attendez, j'ai un torticolis moelleux, moi. Torticolis moelleux, savez-vous la différence entre un torticolis traditionnel et un torticolis moelleux? C'est que quand tu te retournes et que tu souffres de torticolis moelleux, tu sens que ça va faire mal tranquillement. Le mot devient plus intense. Donc, comme c'est moelleux, quand ça devient trop difficile, tu t'arrêtes. Tandis que torticolis réglementaire, tu tournes, aïe donc, c'est là que ça se passe, c'est le coup est direct. Tandis que dans le moelleux, c'est, oh là, ça fait mal, oh, ça fait plus mal, oh là, c'est pour moi, ah, c'est un peu comme ça. Fait que moi, c'est torticolis moelleux. Si vous apprendrez pas ça, ouais, je sais, madame, votre fils est étudiant en médecine. Mais oui. Il a jamais vu ça, hein? Demandez-lui, est-ce qu'on peut l'appeler à cette heure-là? Il doit avoir le nez dans ses bouquins, lui. Nez dans ses bouquins. C'est un futur médecin, il doit avoir le nez ailleurs aussi. Non, non, mais je suis seul à la rire, là, mais... Est-ce que... Arrête. Bon, elle est fâchée. Elle vient de claquer les rideaux. Parce que j'ai pas de porte, moi. Dans mon studio, j'ai pas de porte, j'ai un rideau. Quand j'entre dans mon studio, je me sens comme Johnny Carson. Ou... Mais je vais vous réciter mes moyens. Mes moyens. Mes moyens sont affaiblis intellectuellement, vous le savez. Non, mes animateurs états-uniens préférés n'animent plus. Je suis pas archaïque le dire, ah, dans le temps. Non. C'était Johnny Carson, mais avant tout, David Letterman. Donc, j'ai un rideau. À chaque fois que j'entre dans mon studio pour me préparer à faire mon émission, ou lui fait pas de talk show, mais Elvis, hein, quand il rentrait sur scène, là, il y avait le rideau. Mais ça, c'est une porte, ben là, tu ouvres, là, ça fait plus bureaucratique. Ça fait moins show business que le rideau. Mais dans quelques semaines, je vais changer mon rideau pour une porte et je vais vous dire pourquoi si vous avez le temps. Avez-vous le temps, madame? Mademoiselle? Là, vous avez pris une pause. Vous étudiez, oh, en pharmacie, maman, en pharmacologie, oh! Vous allez vendre du beau maquillage? Non, je sais, c'est pas du mec. C'est une blague. C'est pour vous dilater la. J'aime bien ça, vous dilater. Ah, regarde, il est dilaté, là. Oh, voilà. C'est ça. Mais, non, excusez, c'est comme un continuum. Je peux pas m'arrêter, moi. Non. Il y a comme une suite illogique. On travaille souvent sur des suites logiques, hein. Ah oui, la suite logique là, du film que j'ai vu. De Marcel Pagnol. Hey, c'est récent, Marcel Pagnol. C'est très récent, Marcel Pagnol. Puis là, il faut arrêter de dire des vieux films. Comment tu catalogues un vieux film, toi? Est-ce que c'est l'avènement du sonore qui te fait changer pour le cinéma d'antan? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la mise en scène, le jeu des comédiens? Parce que le jeu des comédiens a changé, je ne dirais pas évolué, c'est pas vrai, a changé. Dans le muet, on devait faire des grands signes, des sparages, parce qu'on ne savait pas trop comment utiliser ce médium-là qu'on appelait le septième art. Là, tranquillement, ben, quand on a commencé à se voir sur l'écran, ouais, on va en mettre un peu moins. Mais les lentilles n'étaient pas efficaces. Celui qui a travaillé la lentille pour une des premières fois, c'est Orson Welles. Celui qui a travaillé sur les champs, sur la profondeur de champ, sur les plafonds, avant Stanley Kubrick, on ne voyait pas les plafonds. C'est Stanley Kubrick qui a instauré les plafonds au cinéma. Et le film le plus étudié dans toutes les universités universelles, là, autant sur Saturne qu'au Népal, qu'à Charlebourg, non, il n'y a pas d'université à Charlebourg, à Sainte-Foy, l'université de Laval, le film le plus étudié dans le monde, à Howard, ça va bien? Oh, juste, j'ai un haut de Howard. J'ai pris une petite boisson gazeuse. Non, à Howard. Moi, la prononciation en anglais, on dirait que ça me roule dans la bouche. Howard. Oh, Howard. Howard to the rainbow. I can't see. Mets-en de l'écho, là, parce que t'es. Coco, mets de l'écho. Ah, oh, c'est beau ça. Oh, on m'entend moins. On dirait que mon anglais est plus anglais. Over to... Hey, monsieur! Ah ouais, over. Over to the rainbow c'est le succès. Là, vous croyez que je vous dirai pas le film le plus étudié au cinéma, non, dans les universités, au monde? Citizen Kane! Le public, hein, il avait les mains dans le visage dans les mains, on a-tu la main? On se prend les mains et on se place ça dans le visage. Donc, ils pleurnichaient, là. Ou non, pas pleurnicher, parce que pleurnicher, c'est pleurer, mais en forçant un peu. Non, mon public, parce que c'est vous, public, je vous sentais un peu fébrile. Et vous aviez tiré la serviette. C'est pas bon de tirer la serviette. Pas bon. Tirer la serviette est une expression très, très, très... utilisé dans la boxe. Ouais, la boxe. Connais-vous? Ouais. Je suis pas très... L'entraîneur, quand il tire la serviette, wow! C'est triste. Surtout le boxeur, lui, qui veut continuer. S'il y a pas l'alchimie entre l'entraîneur et le boxeur, ils peuvent se boxer entre eux, là. C'est sans doute déjà arrivé. Le boxeur frustré parce que, tu sais, quand t'es dedans, là, tu es dedans, c'est toi qui te fais piocher dessus, c'est toi qui te fait frapper, qui te fait coincer par des points qui t'arrivent en plein visage, là. Donc, tu peux pas être... Moi, écoute, je vais t'expliquer un peu, là. Moi, quand je boxe, je suis pas proche du sujet. Alors, j'essaie de m'éloigner pour avoir une vision globale du combat. Bon, oui, certes, on voit que j'ai pas eu beaucoup de coups encore. Là, j'ai un vocabulaire passablement recherché par la police. Mais je ne l'ai pas vendu, monsieur. Je ne l'ai pas vendu. Non. J'étais devant la poubelle. Oui, il y avait un feu dans la poubelle. Ben oui, c'est normal, il faut se réchauffer. Bon, puis là, la police est passée. J'étais en train de discuter avec mon gérant. Puis mon gérant, lui, c'est parce que moi, c'est moi qui m'entraîne. Fait que je peux pas fumer, moi, là, je fume pas. Il est en train de s'enrouler une gitane. Non, c'est pas de la gitane. Non, c'est en tout cas, peu importe la marque, il est en train de s'enrouler une. Il a sorti, je le sais, mais je vous le concède, effectivement. Concède, hein? J'ai pas eu trop de coups de poing, hein? Les uppercuts ne m'ont pas frappé. Ils ont frappé le vent. Mais attendez un peu, je vais vous expliquer, monsieur la chose. C'est la chose. C'est votre nom, monsieur la chose? Le blanc? Elle est vieille, celle-là. Mais non. Il a pris son sac en plastique. Mais il s'était rempli de tabac, monsieur Progenite. Oui. Quand la police est passée, on a fait un saut, la sirène, il était de dos. Il savait pas que la police... Mais moi, j'étais pris dans ma discussion, donc je ne l'ai pas vu arriver. Oui, lui, il a fait un saut, il a tiré le sac. Je sais que vous n'avez jamais trouvé le sac, mais c'était du tabac. Là, vous nous accusez de je sais pas quoi, de chipouki, puis nous sommes des... Oh, oui, c'est vrai qu'on est dans le ring. On fait un métier de ring. On aime ça, le ring, nous. Moi, plus que lui, c'est lui qui me dirige. Mais là, c'est que vous nous accusez sans avoir la preuve de quoi... Vous êtes convaincu que c'est ça quand c'est pas ça. Avez-vous une preuve? Avez-vous retrouvé le sac? Le sac? Je vous lance une affaire la même, là. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Quand mon entraîneur a tiré le sac parce qu'il a fait en arrière, puis lui, il a des systèmes auditifs. Il est branché sur l'audition USB, lui, parce qu'il est sourd. Il n'entend pas à rire non plus. Non, il n'a jamais entendu à rire. Il a 82 ans. Hey, c'est celui qui crache le plus loin là, depuis au moins ses 25 ans. Tout le monde a essayé de cracher plus loin que lui. Personne n'a gagné. Là-dessus, là, c'est pour ça que c'est mon entraîneur. Donc, mais il avait mis le son plus fort parce que moi, je marmonne dans les rues parce que je ne veux pas me faire reconnaître. J'ai une voix totalement, écoutez, nasillarde comme la mienne, il n'y en a pas deux. Je veux pas signer d'autographe avant un combat. Je veux me consacrer à mon imagerie mentale. Mon imagerie. Vous connaissez pas ça. En tout cas, c'est pas important. Vous, là, c'est tirer. Nous, c'est boxer. Bon, ça, c'est deux affaires. Ça fait que lui, il avait mis son à 10. Puis le maximum, c'est 10. Parce que moi, quand je m'arrête, je dis, ouais, écoutez, ouais, le plan de match, je suppose qu'ils vont faire, mais... La dernière fois avec Jeremy Wiley, on a trop attendu. Puis quand j'ai fait un uppercut, là, il a sorti une droite. Puis la droite, je l'attendais pas parce que moi, je suis un gars de gauche. Fait que la gauche n'est pas venue. Mais je me suis étalé, je me suis réveillé, je me suis même pas endormi 15 secondes. Parce qu'à 15 secondes, ça finit. Moi, c'est 3 secondes. 1, 2, 3. Là, je parlais de même, mais que lui, il avait. Oui, que chien, oui, oui. Puis là, une fois qu'il était rendu à 10, vous l'avez. Oui, oui, le sac. Moi, je soupçonne. Et on est rendu là, vous avez ça, vous voulez savoir de la suite de mon idée. Je soupçonne que le sac en plastique, ça, tout le monde le sait, est parti, fou, en haut. Il a atterri sur la perruque du début de l'émission, là. Et en dessous de la perruque, il y a un ovni. Donc, tout ça s'est envolé. Pas faux, hein? C'est envolé sur une stratosphère ou une sphère ou je sais pas, quelque chose, une île, mais non, une île. Une planète. Même pas connue, peut-être, je sais pas. Elle doit avoir un nom comme SB4317 ou 543 supplémentaire, complémentaire 2. Je sais pas, vos quatre, bingo. On sait pas, ça peut, elle peut s'appeler bingo. Ça dépend des professionnels qui sont en bas, là, sur la nasole. Nazi? Les nazis? Non, les nazis sont finis. La NASA. Vous ne connais pas ça, la NASA? NASA m'est sorti de chez toi, hein? Ben, vois bien ça. La NASA, je vais t'expliquer rapidement la NASA racontée aux imbéciles comme toi, là, qui ne connaissent pas ça, la NASA. Je fais affaire avec des professionnels de la radio, ça ne sait même pas ce que c'est que la NASA. Tu as étudié en dans quelle branche, toi? Dans le tronc commun, ouais. On voit bien ça dans le tronc commun, hein? Toi, tu as appris un peu à lire, un peu à écrire, un peu d'éducation physique, bon, un peu de tout, mais jamais assez de trop, hein? Juste une petite base, la base de la base. T'as la base de la base. Bon, mais tu vas aller loin dans la vie. On cherche ça, hein, on appelle ça des gens polyvalents. La base de la base. Mais là, après ça, il faut que tu engraisses la base. Faut que tu lui donnes un beau socle. Puis ça, c'est les années qui font ça. T'es un jeune, comme disait 16, un jeune con. Pas 16, un 6. 16, S-A-E-Z, le chanteur, 16. Damien 16, si vous préférez. Qu'on n'entend pas beaucoup, malheureusement. Alors là, la perruque, le sac en plastique est parti, puis là, vous nous dites... Là, la perruque, c'est pas mon problème. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, la perruque. C'est le monsieur tout à l'heure là, qui nous a fait raconter, qui nous a raconté une anecdote. J'aime bien dire savoureuse. des moumoutes, puis la campagne, puis tout ça, là. Mais moi, je suis pas rendu là. Moi, je suis rendu à mon combat de boxe. Puis avant, quelques jours avant, j'ai parlé à mon entraîneur. Et c'est là, le sac complet. Parti. Puis vous nous accusez de je sais pas quoi. Puis ça peut nous amener, ça là, je vais vous dire, là, ça peut nous amener à l'annulation du combat. Qui dit annulation de combat dit remise de billets vendus. On doit remettre tous nos billets qu'on a vendus et donner ça aux gens qui voulaient apprécier un excellent combat. Alors, allez-vous vivre avec ça toute votre vie? Risquez! Puis en plus, vous savez très bien qu'un citoyen doit avoir des loisirs, sinon il va se rebiffer, hein, il va devenir anarchiste, il va faire une émission à la radio, ça va s'appeler Rance Rénaldienne, puis bon, faut pas que ça se fasse, ça. Il y en a juste un de même, puis il faut le garder de même, puis il faut pas le changer, mais les autres, on doit pas entraîner les individus vers ce chemin. De un, c'est fatigant. C'est fatigant. Imaginez-vous être sur l'eau. L'eau de la campagne de tout à l'heure, là. Être sur l'eau de la campagne. Ça, c'est quelque chose, là. C'est poétique, j'aime ça, là. T'es sur un fleuve à contre-courant, puis tu rames. Fatigant, ça, ramer à contre-courant. Ça dérange, ça, parce que tous les bateaux sont là, fring, fring, fring, fring, puis toi, t'es... Oui. Partons de l'aventure, partons dès maintenant. Partons de l'aventure, partons sans perdre de temps. Largons les amarres, allons découvrir de nouveaux pays, de nouveaux amis. Oui, partons. Oui, partons. Partons dès maintenant. Partons dès maintenant. Pendant ce temps-là, j'essaie de faire quelque chose, là. Partons dès maintenant. On va partir, attendez, là. Partons à l'aventure. Partons dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Les batteries sont à terre, peut-être. Partons à l'aventure. Bon, on va se passer de ça. Partons sans perdre de temps. Pardon, il ne sait pas ce qu'il fait. Ben oui, j'essaie bien de faire ce que je veux faire. Je tente, mais il n'y a pas de pile à côté de moi. Toutes les piles sont dans un autre. Oh, peut-être. Oh, ta. Est-ce qu'on peut passer à une chanson? Non. Ben non, ça va tout couper l'élancé. Oui, partons. Partons dès maintenant. Partons à l'aventure. On est parti, on est revenu. Alors là, l'histoire. Le combat sera-t-il annulé? La campagne viendra-t-elle en ville? La perruque et le sac en plastique va-t-il atterrir sur Terre? Et si oui, où? Et si ce n'est pas sur Terre, et si ce n'est pas sur... C'est à quel endroit? Dans l'universalité de l'infini. Hey, là, ça commence à jouer loin. Ça joue dur, là. Là, il faut ratisser, comme on dit, il faut ratisser large. Hey, là, c'est pire que de ramer dans le sens contraire, là. Par où tu commences, l'infini? Par où tu commences? Ben, moi, je vais pas faire mon fin finot, là. Mais j'ai une petite idée là-dessus. Ah, non! Ça serait bien de passer une pause musicale. J'allais dire une pause sonore. On est en pause sonore depuis... Non, arrêtez. On bouscule la sonorité. Et parce que si on passe à une musique, je me souviendrai plus de ce que je voulais dire. Là, déjà là. J'ai déjà là. Là. Et s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Par où commencer quand tu fais une recherche qui englobe l'infini? Cela, moi, c'est pas compliqué. C'est pas... Hey, merci à mon souffleur. C'est pas un souffleur, c'est une souffleuse. Une souffleuse! C'est pas l'hiver! OK. Tu commences par le noyau. Tu commences par le centre. Puis après, tu grandis, tu couvres plus large. De l'intérieur, après ça, c'est la croûte. De la croûte, Après ça, tu t'en vas vers le gazon. Après le gazon, tu t'en vas vers le premier pied, parce que moi, je suis encore dans les pieds. Le premier pied de l'infini. Après ça, deuxième pied. Tu montes. Après ça, les nuages de l'infini. Puis après ça, les étoiles. Puis allez-y. Tu te fatigues. Je pense que dans ta vie, faudrait, sincèrement, puis l'histoire va s'arrêter bientôt, placer des savants mâles et femelles, dans une maison multigénérationnelle, à l'intérieur de laquelle les savants pourraient faire des enfants qui, eux aussi, je sais qu'on n'est pas savants, mais les savants pourraient inculquer aux enfants ce qu'ils savent pour plus tard, parce qu'ils vont mourir, ces gens-là. Quand tu travailles vers l'infini, il faut que tu propages l'histoire pour pas recommencer à chaque fois, parce que tu vas faire de la réédition. Tu vas faire du remastering. Hein, c'est comme les chansons de je sais pas, on va prendre une vieille chanteuse, là, un vieux chanteur, Fréhel. Là, Fréhel est décédé. Mes sympathies à tous les amis de Fréhel. Mais comme c'est des vieux albums, on a réédité. On a enlevé la friture. Après ça, on a rendu ça d'une manière sonore beaucoup plus stéréophonique. Là, on est rendu même à des DVD audio de Fréhel. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, c'est le colon de sorcelle. Hey, pas pire, hein? C'est, oui, lâche le bouton, c'est ça. Le bouton, je l'ai dit à plusieurs émissions, hein, c'est le ressort. Celui qui s'occupe du ressort, il s'en sort à chaque fois. Il ne change pas. Ça coûte comment un ressort comme ça là, pour enlever l'écho puis remettre l'écho? Je sais pas comment ça coûte, mais c'est trois fois rien. C'est même pas 25 cents. Tu fais venir ça d'Hong Kong. T'en achètes 2000. Puis à chaque émission, tu changes tous les ressorts. Comme ça, ça va m'empêcher de prendre les nerfs. Parce que quand je prends les nerfs, c'est assez frivole, les nerfs. Hein? Ça poing, un peu comme un boomerang. Pas un boomerang, il y a un ressort. Mais un ressort, c'est ça. Je crois que pour nous calmer, pour me calmer, si j'ai ma petite cassette, sinon, ben écoutez, on va y aller directement avec la chanson. Peut-être que ça, c'en est une. Sans être le sud, sans être le certain, les enfants deviennent avec les parents. Oh non, ça n'a rien à voir, ça. Alors, on va laisser une plage musicale, même deux plages. Les deux plages, là, on va choisir le combat des plages. Comment? Ça a comme changé de plage. Hein? Le combat des plages. À droite, c'est l'eau salée. Très salée. Là. Ils n'ont pas mis de poivre, juste du sel. Alors, je vous conseille, si vous prenez cette plage-là, de ne pas ouvrir la bouche, mais ça fait du bien à la peau, il paraît. Ça rentre dans les pores, puis ça les bouche. Puis comme ça, là, ça régénère. Et l'autre, c'est de l'eau non salée. Ce qui fait que chacun va trouver son plaisir dans le salé ou le non salé. Puis j'ai pas celle du milieu, sinon ça serait pas deux, mais trois. C'est semi-salé, il n'y en a pas de semi-salé. Il y a soit salé, soit pas salé. C'est soit noir ou blanc. Il n'y a pas de gris pâle ou noir foncé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, je suis en train de trouver une petite plage, là. Tranquille, je sais, vous savez que c'est salé, non salé. Oh, celle-là. On y va avec celle-là, puis on enchaîne avec une autre chanson. Choisissez, pendant ce temps-là, l'endroit où vous voulez vous poser. Thank you.

Mais là, pour vous relocaliser rapidement, là, c'était excellent. Trois styles totalement différents. Hein, du jazz, du folk et du R&B. Ou du rap. Non, R&B. Aujourd'hui, le vendredi 11 août, on a-tu du plaisir? Oui, 11 août! 11 août avec quoi? Avec tout ce qu'on peut. Offrons-nous l'intégralité des jeux. Même ceux qu'on ne connaît pas, là, c'est bien d'en apprendre d'autres. Pour les gens qui aiment jouer aux cartes, c'est, à un moment donné, le solitaire, là, sort de ta solitude! Quoi qu'on peut être bien dans la solitude. Pour créer, il faut contempler. Il faut aller se chercher à l'intérieur. Il faut aller puiser. Félix Leclerc disait, j'ai déjà mentionné, lorsque tu n'es plus capable de créer, là, lorsque tu sens que tout a été dit dans ton univers, laisse aller. Laisse reposer tout ça. Car le puits, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, à chaque fois que tu puises avec ton plat, avec un seau, c'est moi, c'est Reynald. Ah, le seau! Non, mais lorsque tu plonges avec le seau, tu ne récoltes que de la boue. Laisse aller, la boue descendra et l'eau limpide naîtra. Donc, tu auras de l'eau claire et bleu. Bleu, bleu, Félix est bleu. Aujourd'hui, le vendredi 11 août 2017, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons. Non, mais quand je dis l'école, là, c'est qu'il y a eu du rattrapage. Là. Au cégep, à l'université, on peut reprendre des cours, même si on les a échoués pendant l'automne, l'hiver. En tout cas, à l'université, il y a deux moments où on peut les rattraper. Au début de l'été, puis à la fin d'été, comme là maintenant. Donc, les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la durée. Et pour nous envelopper dans un univers surprenant, qu'est-ce qu'il dit là? Non, parce que là, j'ai dérapé un peu. Là. Unissons-nous autour de la deuxième partie. La première partie, c'était en haut du tronc. Là, on va descendre en bas du tronc. Ça, c'est la deuxième partie. Ouais. C'est avec mon amie Marie Benigui. La suite de la fuite, c'est maintenant. Donc, je m'arrête ici dans la nomenclature et je vous souhaite une belle aventure nocturne. Alors, place à l'émotion, aux mots, au lyrisme rénaldien, à la musique. Bref, place à l'envoûtement et en avant, la zizik. Pas mal aller, mais je suis pas bien. Ok. Ha ha ha ha ha ha Sébastien Chartier, qui est un ami comédien aussi, qui joue un spectacle à Avignon. Okay. Et parce que des fois, je me dis, mais elle bosse plus que moi. Mais bon, c'est normal, parce que quand il y a des grands réalisateurs qui veulent la voir, je me dis, ah ouais, Kassovitz, ah ouais, Besson, ah ouais. Voilà, donc, mais non, en fait, non, pas tant que ça, parce que je suis très fière d'elle. Et c'est pour rigoler qu'on dit ça. Ben oui, surtout c'est de voir que sa fille prend le même chemin. Oui, sauf que puis moi je suis pas dans le cinéma, moi, pas trop, non, enfin. Non. Mon truc c'est les planches, ouais, moi. Ouais. Ok, parce que c'est un choix. Oui, c'est parce que je cherche pas trop en fait. Alors mais c'est vrai que c'est... Mais oui. Plateau, si tu accompagnes ta fille, on sait pas, peut-être que. Oui, je crois pas trop à ça, moi c'est plutôt. Je pense que c'est les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Alors après, si on me propose un rôle, je prends. Hein, j'ai déjà tourné, j'ai déjà fait des rôles. Mais c'est vraiment le plaisir de la scène, la chaleur de la scène qui me plaît, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est surtout le côté vivant, le côté si tu te plantes là, oui. Au cinéma, tu recommences, c'est pas grave. Mm. Et le spectacle n'est pas du tout le même. Mm. Le soir, le lundi, le public du lundi, c'est pas le public du mercredi. Mm. Donc c'est une autre façon de. Et des fois, tu dois mouiller plus la chemise pour. Et d'autres, c'est du vrai bon voir. Oui. On a fait le même spectacle la veille et on s'est donné à fond. Puis aujourd'hui, on n'a presque rien fait et ça fonctionne. Oui. Et puis, surtout en comédie, on a le retour direct. On les voit tout de suite. Donc, si le public est là ou pas. Et ça, c'est chouette. Et le cinéma, c'est un peu plus flou pour moi. Je suis un peu perdue. Parce que c'est pas ton univers encore. C'est peut-être pas. Oui, et puis c'est technique, quoi. Oui. On peut être mauvais acteur et passer très bien sur un film. C'est long, le cinéma. C'est long, c'est technique. Oui, mais tu restes 8 heures pour tourner 5 minutes. C'est du recommencement, c'est de la répétition, c'est du maquillage le matin, c'est 3-4 heures. Mais c'est chouette l'ambiance du tournage quand même. Ah oui, ben oui, ça, c'est sympa. Mais ce qui est intéressant, c'est la troupe. La troupe, exactement. Il y a un film de François Truffaut, la nuit américaine, qui relate très bien ce genre de troupe-là. Non, mais avant de le passer à la question, parce que ça sent la fin quand je pose des questions, ah, et oui. Je suis pas prêt encore vers cette finalité-là. Ah, d'accord. Puisque vous êtes deux comédiennes. Mmh. Mais oui. Oui. Hein? Et je me souviens lorsque Doyon a fait un film avec une enfant qui s'appelle... ça commence par P, la pomponnette. Ou... Ah, la petite ponnette. Oui, la petite ponnette. Bah, c'est marrant parce que la directrice qui a casté la petite fille est la même qui a casté Sacha sur La Passion de Marie Curie. C'est la même directrice de casting. Ok. Et ce qui j'ai trouvé intéressant à l'époque, c'est qu'elle a gagné le premier prix au César. Et on a remis en question, un enfant ne peut pas avoir le premier prix, mais j'ai dit pourquoi, c'est une comédienne. Mais oui. Et donc, on commence déjà là à se questionner à quel moment on devient comédien. Est-ce qu'un enfant peut être une comédienne ou si on joue dans la rue, les enfants jouent dans la rue et ne sont pas pris comme des comédiens? Mmh. Est-ce que tu comprends un peu le principe? Oui. Et comment tu peux... as-tu un point de vue là-dessus? Est-ce qu'un enfant peut être estimé et gagner un prix de comédie ou le meilleur rôle dans un rôle? Ben même oui. Si c'est un enfant? Bien sûr. C'est un enfant. D'autant plus méritant que c'est un enfant en plus. Donc c'est ça qui est chouette. Mais quand on dit comédien, est-ce que c'est le mot de la professionnalisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on est professionnel, rétribué comme un travail? Ou est-ce qu'on est comédien? Parce que dans l'absolu, on peut dire qu'on a tous du comédien en nous. On a tous cette capacité à jouer au travail, à jouer avec les gens. Et peut-être certains à développer cette chose-là ou pas, par rapport à leur nature, s'ils ont une nature plutôt exubérante, exhibitionniste, j'allais le dire aussi, c'est un peu les deux, ou plutôt timide, introverti, mais qu'il y a un déclic qui se fait par rapport au théâtre. On a tous cet enfant en nous, en fait, qui joue, cet enfant qui peut donner un clown, qui peut donner un personnage. Et donc c'est de l'art, donc ça va au-delà d'un prix, ça va au-delà d'une professionnalisation. C'est de l'art, c'est-à-dire que c'est en nous, c'est comme la musique, ou c'est des choses qui sont universelles. Et après, quand on en fait un métier, effectivement, alors là, le prix, ça veut dire reconnaissance des pairs, du métier. C'est... Bah non, c'est... Je trouve ça... En même temps, est-ce que tu te souviens de l'époque, ce que ça avait donné comme débat et comme discussion? Non, pas trop. Ok, parce que là, j'allais... Bon, alors on ira pas plus loin. Mais tu crois qu'un enfant peut être estimé avoir un premier prix, même si... Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à 12 ans. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent comme ça. C'était mes premières payes, c'était ça. Donc, je trouve que c'est dommage que ce soit aussi difficile. Alors oui, c'est bien de les protéger par contre, parce qu'il peut y avoir abus. Oui. Exactement, ça c'est vrai qu'il y a des parents qui sont tellement frustrés, qui veulent que leurs enfants fassent ci, fassent ça, alors que c'est eux, c'est leur projection. Exactement. Bon, là, je comprends qu'il faille cadrer. Mais si c'est un plaisir de l'enfant et un désir qui vient de lui, pourquoi pas, quoi. Enfin... Je veux juste raconter que chez nous, il y a un comédien qui s'appelle Guillaume Lemaitre-Vierge. Okay. Mmh. Et qui n'a jamais été à l'école. D'accord. Et il a appris, il a quand même eu son bac à la maison. Ah c'est oui? Ses parents qui l'enseignaient. Aujourd'hui, c'est devenu un grand comédien. C'est juste que comme quoi, hein? Voilà, c'est ça. Donc, on peut avoir un cheminement hors norme et quand même réussir sa vie. Mais bien sûr, ouais. Et surtout, peut-être être plus fort que les autres parce qu'on a appris autrement. Après, c'est difficile. D'ailleurs, à l'école, on apprend des choses. Puis d'ailleurs, quand on prend des formations de théâtre, après, il faut tout casser. Il faut casser tout ça. Ah, mais c'est ça. Bray disait, on doit désapprendre. Eh bien, voilà. C'est exactement ça. Et c'est dur. C'est difficile. Mais et c'est que des remises en question tout le temps si on veut évoluer, hein, bien sûr. Après, on peut rester comme on est. C'est confortable aussi de pas réfléchir. Et d'être tranquille et de rester. Et ça marche très bien. Et voilà. Mais si on veut quand même avancer, progresser, apprendre et faire bouger un peu ses lignes, c'est pas mal de sortir justement de ces cadres. Et l'école, ça cadre énormément. C'est structurant, c'est important. Mais je pense que des fois, c'est un petit peu trop... Sclérosé? Oui. Mais Sacha, elle me dit, je veux pas aller à l'école. J'ai l'impression d'être en prison. Oui, effectivement. Mais c'est exactement ça. On l'apprend à rester assis, derrière une chaise, derrière une table. Et puis, on oublie, quoi. Il n'y a que la tête qui fonctionne et on oublie le corps. Et bien, un enfant, ça bouge, quoi. Ouais. Et nos sociétés oublient oublient ce corps, quoi. Quand on se touche, c'est oh, « excuse-moi, oui, on n'ose plus se toucher, ça devient... » Mais c'est aussi le décorum, hein. on a l'outil décorum, on a l'outil l'éducation, on peut quand même prendre ça comme un chien, avec un grain de sel. Mais oui, et puis on peut ne pas être un parent parfait, on a le droit de ne pas être parfait. Moi souvent j'ai ma fille, oui, d'accord, je ne suis pas une maman parfaite, non. Et c'est pas grave, non. c'est pas grave. Au moins de le savoir, c'est déjà un pas vers la... Oui. et puis d'essayer de s'améliorer, de faire en sorte de progresser, ça c'est bien, d'écouter, mais pas de chercher à être parfait. Le but c'est d'être heureux, c'est pas d'être parfait. Est-ce que c'est la première fois que tu vas être? Non, en tant que comédienne, oui. Okay. Et j'ai hésité. C'est un peu la brousse d'Avignon. Oui, la jungle. Les actrices, les acteurs qui vont là en s'imaginant. Ouais. Et toi, tu es consciente de ça, donc... Oui, puis c'est pas mon projet. C'est un projet que je défends, etc. C'est Il ne faut jurer de rien d'Alfred de Musset à l'espace du Pont d'Avignon. Tous les soirs à 20h30, je fais un peu de pub quand même, mais j'y vais aussi pour défendre d'autres spectacles, comme le spectacle de mon prof Fred Rob, le titre est dans le coffre, et d'autres spectacles comme celui de Sébastien Chartier, Sébastien Chartier attire les cons, voilà, tout un programme. Alors le public est-il con ? Voilà, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais voilà, donc aussi pour les voir. Mais j'espère un jour... alors, parce que tout le travail de clown que je fais, d'impro, ça me permet une écriture de plateau, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne suis pas devant ma feuille avec mon stylo à me dire qu'est-ce que je vais faire, mais j'improvise et un jour, un moment sort des choses et à partir de là, j'écris des choses. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au ton si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leur prunelle qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, juin, juin. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur. En douceur, en douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin, c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin, chouin. Lui pardonnant cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Un bon jour, j'en ai eu marre,

parce que je t'assure qu'après toi, y a toujours une fille qui passe. Tu peux aussi te laver les mains si tu dois saluer quelqu'un, peut-être teindre la lumière si tu sais faire. Quand tu pars des toilettes, est-ce que tu peux baisser la lunette? Y'en a marre des acrobaties, nous on voudrait juste s'asseoir. C'est votre braguette, mais qu'est-ce que tu veux mon petit? La nature est ainsi faite. Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu peux lever la lunette? Ou bien ce que t'as qu'à faire? Je vois que vous êtes au courant, madame. C'est exactement cela. C'est de choisir les pissotières. Si par hasard il n'y en avait pas, il y a toujours un arbre quelque part qui attend dans la pluie, dans le froid, que tu marques ton territoire. Et pendant ce temps-là, nous on restera les princesses de ces petits endroits où l'on viendra poser nos fesses. Enfin on se laissera aller. Du plateau, l'écriture elle se fait sur le plateau et ensuite on élabore, on réfléchit ensuite sur quel sens on veut donner aux choses. Et donc voilà, et bon, à terme, voilà, je suis sur cet objectif là de créer après septembre, janvier 2017, puisque je serai au théâtre Solferino à Lille, créer mon spectacle de clown suite à ce travail là. Est-ce que c'est un plus d'avoir un enfant pour rester dans la création, dans la multicité? Est-ce que c'est bien? Est-ce que pour toi, c'est... Heureusement, j'ai une fille qui m'amène encore, qui m'éclaire dans... Ben, disons que c'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression que c'est elle l'adulte. Ouais. Elle est plus... posée. Oui, elle est... L'enfant a besoin de cadre, hein. Il a besoin de ça, hein. C'est... Et toi, tu l'as un peu moins, mais elle te aime. Et du coup, ça m'oblige moins à être plus cadrante. Donc ça, c'est ce qu'elle m'apporte. Mais effectivement, sa fantaisie... En tout cas, elle est très réceptive à ma fantaisie aussi. Et elle m'inspire beaucoup de choses. Elle me donne beaucoup d'idées. Effectivement, c'est très nourrissant. Je ne fais absolument rien du tout. Elle ne veut pas. Et comme elle ne veut pas, je ne la coache pas... Quand elle me demande, je réponds. Okay. Par exemple, les textes, elle a une facilité d'apprentissage incroyable. C'est d'ailleurs ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour lui faire faire du cinéma. Elle lit une fable de La Fontaine, deux fois, elle la connaît, quoi. Donc, juste, je lui dis, apprends ton texte. Oui, c'est bon, ok. Voilà. Sur camping, un petit peu, elle m'a demandé deux, trois fois. Mais non. Et d'ailleurs, quand elle tourne, je lui dis, tu veux que je reste ou pas? Quand elle me dit non, je la laisse. Oui. C'est son petit jardin secret. J'ai 10 questions, mais tu peux manger, non? Ah oui, d'accord. Parce que quand même, ça va refroidir. J'ose steak, pas. Non, mais un steak, non, il n'y a pas de problème. Ben, oui. T'en veux, toi? Tu manges pas de viande? Okay, mais pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas une carnivore. Ah, c'est bien. Pas trop. Oui. Ah, un vampire. Un vampire. Oh, ok. Si tu étais un liquide, De l'eau. L'eau du robinet. Non, de l'eau. De l'eau courante. Enfin, de l'eau qui. Oui, des cascades, de l'eau qui bouge, quoi, ouais. En mouvement. De l'eau mouvement. Si tu étais une ville. Ah, alors. Sept. Ah oui, ben oui. La ville de Brassens. Oui, exactement, la chanson. J'adore cette ville. Dure 7-8 minutes, mais que c'est beau. Eh ben, on va peut-être en profiter pour l'écouter. Oui, bien sûr. Ah, avec plaisir. Parfait. Grande si fan. Tu étais, et nous sommes revenus de la chanson. C'était beau, hein? Quelle ouais. belle chanson. Ah oui. Si tu étais une langue. J'allais dire une bêtise, mais. Non, vas-y. J'allais dire une langue de bœuf. Oui, ben, Dreyfus a dit une langue de cochon. Une langue. Une langue. Ouais, non, plutôt une langue de chat qui gratte un peu. Qui est douce, mais qui gratte. Et sinon, une langue au niveau linguistique. Peut-être l'italien, parce que c'est chantant, c'est musical. Puis c'est aussi quand même assez sensuel. Ouais, c'est une belle langue. Si tu étais une époque. Ah, les années folles. 50 ? Ouais. Et petites robes. Ben exactement, ouais, c'est exactement. Ça. Puis j'ai un physique de cette époque-là. Puis tu aimerais jouer peut-être dans un rôle d'époque, un rôle des années 50 ? Oui, ça me plairait vraiment. Mais un muet c'est... ou... Ah oui, ouais. C'est ça. Ouais. Mais lorsque tu fais des one-man shows, est-ce qu'on peut appeler ça des one-man shows, chansons ou chansons oui. Des solos, des seuls en scène. Mmh. As-tu pensé éventuellement de présenter un genre de personnage des années 50 qui... Effectivement, pourquoi pas? Non, jamais, mais... Qui s'est perdu que... peut-être dans la machine à voyager dans le temps et la voilà en 2005, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Une folle qui arrive en 2007 et qui... Oui. D'ailleurs, mon clown, il y a un petit chapeau de l'époque, un petit peu, voilà, j'aime oui, bien ce côté-là. Sur oui, Facebook. Oui, ah, c'est super. J'aime bien. Si tu étais un mot... J'hésite entre plusieurs, mais j'aime bien le mot libre. Mais c'est ce que tu cherches depuis ton enfance. Je trouve ça chouette, ouais. Si tu étais un aliment, Un aliment. Peut-être un abricot, un petit fruit frais. Ok, ça c'est bien. Si tu étais une saison. Oh, j'aime bien le printemps quand même. La Renaissance. Ouais. C'est possible, ça c'est recommence. Ça recommence. L'hiver est terminé. Mm. Mais au Québec, c'est de plus en plus vrai. Lorsque tu es passé, c'était quand? Oui, c'était. En hiver? Ouais, en hiver. Janvier? Ouais. Il faisait moins 40, moi. C'était très froid. Très, il faisait moins trop. Ouais. Et après, non, je crois que c'était plutôt. C'était pas en hiver. C'était. Après, c'est pas l'hiver. Non, c'était après, parce que j'avais pas la neige, quoi. Oh. Non, ça devait être au printemps, hein. Ok. Mmh? C'est beau, ouais. Ouais, c'est beau, c'est magnifique. Si tu étais un membre corporel. Peut-être un nez. Parce que j'aime bien l'idée de sentir. Surtout le nez de clown. Oui, le nez de clown, et puis le nez, ça bouge. C'est ce qui bouge le plus dans le corps humain. Tout bébé, ça bouge et puis c'est typique, ça caractérise un visage. As-tu un nez clown adapté à ton nez? Parce qu'elle est morte, elle a plusieurs nez. Oui. J'ai le nez de mon prof qui est en latex et qu'on a choisi parmi plusieurs modèles qui est adapté parce que j'ai quand même un nez assez un petit peu long. Et donc voilà, sur mesure. Si tu étais, oui c'est sûr, un nez sur mesure. Je ne voulais pas te dire parce que ça faisait étrange, un nez sur mesure. Non. Mais quoi qu'il n'y a pas juste des vêtements sur mesure. Hein? Ben ouais. Si tu étais un moment de la journée. Moi, si je l'étais, pas ce que je préfère. C'est pas le moment que je préfère. Je correspondrais à... Ouais... Je sais pas... La matinée, peut-être, le matin, ouais. Très tôt? Ouais, plutôt... Oui, quand le soleil se lève et que... Tu te lèves tôt? Pas trop, mais depuis ma fille, oui. Parce que le théâtre, souvent, ça finit très tard. Oui, mais je dors pas beaucoup, en fait. Okay. Ah. Depuis ma fille, je me lève très tôt, et quitte à me recoucher l'après-midi, faire des siestes. La petite sieste, mais oui. C'est vrai que j'ai tendance à me réveiller très tôt. et ou à me coucher très tôt du coup, enfin très tard mais très tôt. Okay. Mais j'aime bien ce le petit matin, le lever du soleil, je... c'est parce que la journée t'appartient. Ouais, aussi, c'est ça. Il y a personne, tout le monde dort et c'est la vie qui se réveille, c'est magnifique. Si tu étais un autre individu. Oh, personnage connu par exemple. Comme tu veux. Oui, j'aimerais bien être Charlie Chaplin. Est-ce que tu connais l'œuvre complète ou Oui, j'ai l'intégrale chez moi. Tous ces petits films. Du Parlin jusqu'à Le Feu de la Rose. Ah là là, c'est extraordinaire. J'adore. Alors, il y a d'autres amis qui aiment Buster Keaton, oui. qui est excellent aussi. Ah, oui. Mais Charlie Chaplin, j'aime ce côté enfant. Son regard sur l'enfance. Ouais, c'est des clowns aussi. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup de travail derrière ça. Hein. Ah, si je pouvais avoir la même carrière que lui. En plus, c'est peut-être un très grand musicien. Oui, ah, oui. C'est sa musique. C'est lui qui a composé les musiques. C'est vrai qu'il a écrit des belles chansons. Ah oui. Eh ben oui, oui, pourquoi pas, oui, bon, j'aimerais ça. Mais bon, voilà, je suis mariée. Et à choisir, est-ce que tu fais le même chemin ou tu... Ben, oui, c'est vraiment du cinéma. Alors, disons, avoir cette force artistique et cette créativité, oui. Oui, bien sûr. J'aimerais. Ce serait chouette. Est-ce que tu projettes dans les années à venir ou tu vis au jour le jour, on ne sait jamais des fois la vie. Je me projette un peu, mais pas trop, pas très loin. Quelques mois devant. Mais pour l'instant, je suis tellement heureuse depuis que j'ai repris mes activités artistiques, depuis que j'ai arrêté d'être un ça stit. Va de mieux en mieux. Hein. Ah oui, eh oui. C'est vrai parce que ouais. On dirait qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi. Oui. Aussi que tu as beaucoup aussi à donner et que tu as plusieurs actes, plusieurs facettes. Oui. Tu sais, t'es pas poisonné dans non. Le jeu, t'es tu peux aller partout. Oui, puis écrire, mettre en scène, jouer, me former, très important. Tu peux revenir à tes anciennes amours, enseigner, ça, c'est pas terminé. C'est... Oui, oui, puis je donne des cours de théâtre maintenant, donc du coup j'utilise cet acquis-là, c'est pas perdu, tout ce que j'ai appris. Bon, le côté structurant me permet de réfléchir un peu plus précisément sur mes cours, mais en gros, pour moi, je suis bien comme ça, et si ça continue comme ça, je serais très très heureuse que ça continue, quoi, vraiment. Et je m'inquiète plus, parce que... T'étais angoissée, hein? Oui, quand j'étais... Avant ma fille, j'étais très inquiète de me dire, oui, mais si j'ai pas de boulot, si, c'est ça. Et en fait, je me dis, mais ça fait des années que je suis comédienne, ça fait des années que je suis intermittente. Depuis que j'ai 18 ans, je suis intermittente. J'ai toujours travaillé. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, ça peut arriver de ne plus avoir de travail. Mais je sais que j'ai... Alors je prends un stylo et un papier, et j'écris, voilà, je monte un spectacle, je casse des comédiens et je monte un spectacle. Et puis c'est tout. Ok, j'ai pas énormément d'argent devant moi, j'ai pas de production, mais c'est faisable, quoi. Il faut pas avoir peur, en fait. Et c'est vrai qu'en France, on a un regard assez dur quand même sur les comédiens intermittents du spectacle. C'est assez mal vu. Et puis, on n'a pas le droit. Au niveau des banques, c'est compliqué. Les propriétaires. Chez nous, ah ouais. Il n'y a pas si longtemps, là, tu préparais une pièce de théâtre. Okay. Toutes les pratiques n'étaient pas payées. Il y a quelque chose de la vie dans tes yeux qui rit. Il y a cette petite flamme qui crie, qui brûle et qui brille. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur. qu'il se sent libre. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras. Libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens deux. Dans notre histoire, une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Est-ce que tu veux me donner ta main pour tout le temps qu'on sera bien? Est-ce que tu veux partager mon chemin? Moi je dis oui. Let's go! MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Yeah. récemment non, que les comédiens sont rémunérés à des tarifs incroyables. Ah, parce que moi, j'avais rencontré des comédiens, j'avais l'impression que le statut était plus intéressant là-bas que... Non. D'accord, non, c'est difficile aussi. Si tu vis des parts de théâtre, en canadien, en argent, c'est 17-18 $. Ah oui. C'est très, très, très, très peu. Ouais. Très, en bas du seuil de pauvreté. Ah ouais, dis donc. Oui, donc ils sont obligés de travailler. Mais d'avoir un travail, un boulot de mental. Ah oui. Ceux qui veulent se consacrer au théâtre, ben, c'est très payé. Ouais. C'est de vivre avec plusieurs comédiens dans le même appart. Oui, voilà, un écologue et tout. Merci d'être passé à mon émission. Ben, merci surtout, à toi, Rénal. Bon voyage à Avignon. Merci. Et bon repas actuellement, à maintenant. Tourlou, merci. Ouais, il faut ça. Ouais. Merci à toi, à bientôt. Ouais, je te laisse manger. Oh, t'inquiète pas, je grignote. Non, mais manger froid, c'est bon à table. Non, c'est bon. Ah! Oh. Oh, tes bêtises. Tu me troubles. Non, mais c'est les phrases et les mots, peut-être. Bah, c'est chouette, dis donc, tu m'as fait merci, voyager. Cas, bah oui, mais c'est du coup, j'ai plein de... De souvenirs qui reviennent. De questions. Ah, c'est vraiment chouette. Et tu restes sur Paris? Tu vas pas à Avignon? Ah non. Moi, je repars samedi. Ah oui? Moi, je reste 8 jours. 8 jours, à chaque fois? Et oui. C'est excellent. Et je zone souvent toujours vers la même place. Vers le... Ici? Ouais, mais au début, vendredi, je me suis déraciné parce que je voulais voir Bernard, la Maurice Bernard, le parolier. D'accord. Je voulais voir Arthur H, mais il ne pouvait pas venir ici. Parce que Arthur quittait pour une tournée de 2 spectacles. D'accord. Donc, je suis allé à côté de chez lui dans un petit café. Et Maurice Bernard. Je suis allé à côté de chez lui parce qu'il s'en allait en Angleterre. Il va aller chercher des billets, donc j'ai... Oui, après le trajet. Sinon, je ne déroge pas, puis je rencontre ici, dans le coin, et surtout, dans l'après-midi, c'est pour s'en servir. Ouais. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est vraiment... Et tu vas rencontrer qui, là, aujourd'hui? Ah, ben là, j'ai rencontré plein de personnes avant toi. Mm-hmm. Sinon, je vais rencontrer une chanteuse qui s'appelle Diana Dewey. C'est une musicienne qui fait plein de choses et qui se consacre à la musique depuis 80, 86, 87. C'était clair tout ça. Donc, c'est tout le monde des comédiens, des musiciens, des créateurs, des gens de théâtre. C'est super. Il n'y a aucune barrière. Et comme les Malakou, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Ah oui, Malakou. Il y a 3 ans. Elle revenait parce qu'elle pratiquait pour son deuxième spectacle. Qui a pas très bien fonctionné sur la mort. Ah oui. Je sais pas si tu l'as vu. Je crois que j'ai vu ses teasers. Ok, ouais. Avec l'écran qui parlait. C'est ça. Et c'est ça, c'est une grande qui est extraordinaire, hein, qui vit uniquement au jour de clown qu'elle a mis en branle dans les années, fin des années 80. Donc, Emma la clown, c'est son grand point. Oui. Tandis qu'une comédienne comme toi, tu peux aller partout avec elle. Oui. Et c'est ça peut-être le plus difficile chez quelqu'un, c'est de, une fois que tu décides, tu cloisonnes, c'est d'essayer d'alimenter tout le temps. Alors c'est bien aussi de choisir un truc et de s'y coller, hein. C'est vraiment, mais c'est plus compliqué. Mais c'est plus compliqué parce que des fois ça peut... Tu peux faire autre chose, hein. Donc ça peut user. Et puis si t'es plus à la mode... Moi, en même temps, parce qu'il y a la mode aussi, hein. Des fois, t'es en mode, tout le monde veut de toi, puis après... Oui, mais comme je te dis, des fois, la mode, il faut pas trop... Pas trop la suivre. Ouais, c'est ça, surtout pas, peut-être. Ce qui est... Les vrais artistes ne suivent pas la mode. Non. Puis quelques-uns la créent, même. Il y en a plusieurs, des chanteurs, des chanteuses, des comédiens qui créent leur univers, on ne pouvait pas demander à Simone Signoret de se cloisonner. Elle a été ce qu'elle a été, puis il savait lui faire aussi. C'est des univers en soi, c'est des gens qui vivent au-delà. Oui, mais bon, elles sont à un tel niveau de notoriété qu'elles n'ont pas besoin de chercher. Mais quand t'es que acteur ou que comédien en attendant de chercher du pièce, des pièces à l'affût des pièces, ah oui. C'est trop difficile. Ah oui, c'est sûr. Mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de comédiens et comédiennes à Paris, formés, qui sortent des écoles. Il y a des professeurs qui sont pas trop honnêtes en disant aux étudiants, mais écoutez, vous êtes 300. Il y en a uniquement 10 qui vont essayer d'en vivre. Oui. C'est pas beaucoup sur 300. Il y a 290 qui vont ravir, qui vont peut-être changer de. C'est des gens qui ont payé pour aller là au cours de l'an. C'est très très cher. Bien sûr. Il y a peut-être une petite arnaque là-dedans. Mais le secret du métier, c'est durer. Oui, le secret, mais. Qui t'arrive à durer. Il n'y a pas de recette parce que c'est. Non, il n'y a pas de recette. Il a comme elle disait. Un jour écrira un livre. Moi j'ai trouvé la solution. Je crois qu'il va devenir riche uniquement en vendant son livre. Ça peut être un canular aussi. Ça peut bien se vendre. Ah oui, c'est ça. Mais en même temps, un comédien doit se vendre. C'est dur, et ça. C'est ça qui est une lutte. Salut. Puis quand tu vas pour du casting, c'est de recommencer. L'humilité d'être. Oui, puis des fois, de faire des castings pour des trucs qui sont nuls, quoi. Oui. Puis après, tu te rends compte. Oh, j'ai travaillé tout le temps pour quelque chose comme si. Le réalisateur n'était pas si intéressant. Puis on lui faisait croire que c'était le nouveau Romère, le nouveau. Là, tu travailles, tu te fais refuser sur un casting qui est mauvais, le film est mauvais, tu dis en plus, je suis refusé un casting, tu vois. Puis en même temps, tant mieux, hein, ma carrière sera pas fichée à cause de ça. Mon nom, elle reste encore. Ouais, complètement. Mais moi, je sais que. En fait, ça, c'est mon père qui m'a appris ça, que très tôt, il fallait soi-même se faire son. Enfin, surtout quand c'est musicien. Oui. Mais ça, c'est pas facile. Il jouait quel instrument? Il faisait de la guitare, okay. Après il a perdu deux doigts, enfin deux bouts de doigts, okay. Il s'est mis à la basse. Et puis maintenant il joue piano, ordinateur, enfin la musique, il rentre les programmes. Toujours à Lyon. Toujours à Lyon, ouais. Jazz. Est-ce qu'il revient là? Oui. Il est très connu là-bas. Oui. Puis il y a tout le réseau des musiciens lyonnais. Ah ouais, okay, voilà. Okay. Alors il était monté à Paris lui aussi. Ouais. Mais il avait fait un groupe de rock, vous avez sorti un disque et tout. Est-ce que c'était à l'époque des 33 tours ou des CD? Ouais, 33 tours. Ok, ah oui. Ah oui, c'est... siècle dernier. Oui. Non, mais quand on pense que ces enfants-là vont jamais connaître le vinyle, ben, il faut que ça revienne. Oui, c'est... ouais. Tant mieux, parce que ça forge un peu fou, notre vie. Tiens, ils sont les liens de... J'ai rencontré un comédien qui va venir à Avignon avec nous, peut-être. Ok. On a un comédien qui joue Valentin dans Musset, qui ne veut pas rester sur tout le festival. C'est celui à qui tu disais bonjour. Ouais, lui il va venir tout à l'heure. Voilà. Un bon qui va y c'est pas. Pour le travail, c'est pour préparation, c'est pas facile. Ah oui. Oui, puis là, c'est un projet, au dernier moment, je suis sur le projet, ça c'est un peu un peu une catastrophe, mais je sais pas drôle. Avant de partir, je sais pas si parce que lorsque j'ai vu. Tu le sais? Ouais, j'ai vu. Okay. J'ai regardé. Ok, t'es déjà préparé. Okay. Est-ce que tu veux des lunettes que je mette des lunettes de soleil? Comme tu veux, tu fais comme tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est en train de les auditionner. Il est en train de faire lire le texte. Ok, je vais le faire. Tu veux que je me mette là? Ah non, ben ici, j'arrive. Comme vous avez dit. J'arrive. Et voilà, c'est bon cette chanson-là. Ok. J'arrive. Le monsieur avec la tuque, est-ce que c'est le comédien? Oui. Ok. Oui. Et le plus âgé, c'est là? C'est aussi un autre comédien. Ah oui, ok. Van Buck et Valentin. Ah oui? Oh. On y va? Mais c'est déjà commencé, hein, je te dis. Dernière. Ah, c'est ça? Est-ce que tu fais des grimaces? Ok. Fais pas ton clown. Dernière pour la voix. Okay. Merci. S'il y en a une de bien. Non, ben, il y en a plus qu'une. Ah, t'as été silencieuse, toi? Ah ouais, t'as vu, elle est sage, hein? Ah oui, ben oui. Sage comme une image. Là, elle a joué dans un rôle qui va être présenté demain? Oui, il passe sur TF1. sur de la télé. Est-ce qu'elle va se regarder? Peut-être. Toi? Ouais, moi je vais essayer de regarder. Non. Non, non. Ouvertement? Ouais. Ok. Est-ce que c'est tard le soir? C'est à 20h30. Je vais regarder. C'est la colo, ça s'appelle. 20h30. Tu vois, elle a des petites lignes. Aujourd'hui ou demain? Demain, demain. Ok. Oh, demain. T'es pas là? Non, parce que je prépare un mini-concert sur le banc ici. Je t'enverrai le lien. Ok, oui. Ah, parce que tu pourras regarder. Ah, parfait, excellent. Ah, oui. Rediff. Ah oui, c'est un rôle... Un rôle important ou un petit rôle? C'est un joli petit rôle. Ok. Ouais. Joli petit rôle. Ah, t'es géant de la pointe. Oh, je sais pas où ils sont passés, ils m'ont vu, mais... Ils vont revenir. Attends, je vais regarder. Ouais. Quelle heure vous avez? Ah, parce qu'elle veut utiliser pour appeler. Non, mais est-ce qu'ils t'ont vu, oui? Ah, il est 14h. Ils ont peut-être attendu les 14h. Ils t'ont laissé? Bah, ils auraient pu m'attendre quand même. Oui. Ben voyons. Blowing my mind. Is it tomorrow or the end? tout ce que tu m'as dit, vieux Scott Joplin maudit, tout ce que tu m'as dit, c'était menti. Tu disais le bonheur, c'est un gros pétard caché dans les crinolines, les autobahns. Tu disais l'industrie et l'agriculture. Tu disais la vieille Sicile sur la Côte d'Azur et de Karl Marx la rêverie. Le tsar et du Tchalexi, tout était menti. Scott Joplin maudit, tout ce que tu m'as dit, vieux fax-waller maudit, tout ce que tu m'as dit, c'était menti. Tu disais le c'est un gros pétard dans les mains d'Al Capone à Chicago le soir. Tu disais Metro Goldwyn, les deux Soto, les Packard, Billy Palmer, un jour j'aurai ma part. Armstrong et Stormy Weather aussi, Charleston et Mussolini. Bob Dylan maudit, tout ce que tu m'as dit, c'était menti. Tu disais le bonheur, c'est un gros pétard, la révolution, une forme d'art. Marianne Faithfull et ses jolies dents qui claquent. Toi, tes mots d'amour au piano, est-ce que c'était tout du pipeau? Toi qui disais que tu m'aimais, comment c'était? Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.